Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Prochainement, à l'affiche. Bonjour Laure Terrier, vous êtes chorégraphe et metteur en scène pour la compagnie Jeanne Simone et vous allez venir sur Cergy-Pontoise à l'invitation de la scène nationale Point commun pour nous présenter un spectacle qui a pour titre « Sensible quartier ». Tout à fait. Un spectacle pour l'espace public. Je crois avoir compris que l'espace public étant pour le coup le véritable terrain de jeu de ce spectacle. Et avec plusieurs enjeux. D'abord, pourquoi peut-être investir l'espace public de manière générale ? Il nous faudrait une longue émission. une entrée possible et de dire que pour moi, faire du spectacle vivant, c'est être en relation avec les spectateurs, mais que ce que permet aussi l'espace public, c'est d'être en relation, moi, citoyenne, avec le spectateur citoyen et avec le passant citoyen. Et que ça permet de se poser la question du commun, voire d'y apporter quelques éléments de réponse, ou en tout cas des pistes de réflexion. Voilà, je pourrais dire ça pour débuter. Alors j'ai aussi compris dans la démarche de votre compagnie, qui n'en est pas à sa première création, que pour d'autres spectacles, avec le même terrain de jeu, si je peux dire, vous questionnez la fragilité, l'appétit, l'éclat de l'être dans les espaces quotidiens, et vous interrogez les possibles du vivre ensemble. Là, ça nous ramène effectivement peut-être à la fonction première du spectacle pour tous. Je serais très heureuse que ce soit ça. En tout cas, c'est une des intentions. L'espace public, c'est un espace qu'on partage tous et qu'on invente tous et qu'on réinvente tous de nos usages. Y proposer du spectacle, c'est pas une grande beauté, mais il y a plusieurs manières de s'y prendre. Ce qui, moi, me meut depuis longtemps maintenant, c'est de travailler au travers de la réalité, de ne pas l'arrêter en prenant un espace qui nous serait dévolu à nous, qu'on s'accaparerait pendant un temps, mais vraiment de créer des écritures qui se marient avec le réel, en temps réel, qui sont tissées avec ce que les usagers viennent y vivre en même temps que nous. Et on propose des spectacles qui ont, non pas en toile de fond, mais qui sont tissés avec tout l'inconnu. Et pourtant, on a une écriture à chaque fois très précise, ce qui prolonge mon intention de nous faire regarder le réel avec attention. C'est du Pérec revisité, c'est un grand-père que je m'accapare. Entre autres, c'est aussi un espace politique. Le plateau est très politique, mais le plateau nous met dans un entre-soi qui peut me frustrer par moments, et en même temps, ça apporte plein d'autres choses. Mais l'espace public, par essence, c'est l'endroit de la friction aussi, c'est l'endroit où on est tous et pas pareil. C'est l'endroit où on a des singularités qui ont à écrire ensemble. Et du coup, moi, ce que j'amène là doit s'écrire avec le réel, ne prend quasiment pas le pas sur le réel, de manière à nous faire prendre le temps de l'observer, ce réel-là. Alors évidemment, on a autant de points de vue que de spectateurs, et c'est tant mieux, mais en tout cas de prendre le temps de le regarder, de s'interroger, d'être touché. Et puis lorsque je parle de fragilité, c'est aussi la posture des acteurs et des danseurs chez Jeanne Simone. Elle est performative, bien sûr, c'est du spectacle, et pourtant elle renvoie à la première compétence qui est d'être un humain ici. Et ensuite, certains dansent, certains font du son, mais l'idée est toujours que c'est vous et moi qui sommes en train de prendre l'espace et de se l'accaparer dans quelque chose de très généreux et de très ouvert. Voilà. C'est vrai qu'il ne suffit pas de traverser l'espace public pour se l'approprier, c'est comme on dit souvent. Et de plus en plus aujourd'hui, on nous demande de ne pas finalement nous arrêter dans l'espace public. Il est de plus en plus difficile d'ailleurs de circuler librement, autant que chacun souhaiterait circuler. Sensible quartier, si on inverse, c'est quartier sensible. En même temps, il est question d'expérience sensorielle. Oui, et en même temps de se réapproprier les termes. Il y a une accaparation du... Je suis en train d'inventer un mot avec accaparation, accaparer. En tout cas, je ne suis pas très heureuse de ces mots qui se figent. Qu'un quartier sensible se soit devenu une valeur négative, je trouve ça assez stupéfiant. Je trouve que ça devrait être une qualité d'être sensible pour un quartier. Donc ça, c'est une première manière de rappeler que les mots ont un sens et qu'ils sont beaux et qu'il s'agit toujours d'humains et de qu'est-ce qu'on leur propose et qu'est-ce qu'on leur impose et comment on peut naviguer entre tout ça. Ensuite, effectivement, de le retourner, c'est pour que ça tilte dans l'esprit de chacun. Puis c'est aussi, effectivement, rappeler, enfin, proposer une expérience de corps. Concrètement, les spectateurs sont invités à marcher ce quartier avec nous. Déjà, l'expérience de la marche est une expérience de corps qui met dans un corps, qui met dans une écoute, qui met dans une écoute de soi et une écoute de l'environnement. On rajoute à ça un grand poncif, un casque sur les oreilles. Donc, ok, une marche casquée. Jusqu'à là, rien de nouveau sous le soleil. Après, il se passe quelque chose de particulier dans ce sensible quartier, dans les oreilles des spectateurs. Parce que, pour une fois, c'est le réel en temps réel qui est donné à entendre grâce à un technicien son particulièrement pertinent et sensible. Donc, on entend le réel comme en réalité augmentée. On a une capacité, depuis là où on est, à entendre avec précision plein de sons qui nous échappent le reste du temps et qui ont lieu là maintenant. Et au travers de ces sons, de cette bande sonore du moment, nous, on parle aussi, on s'adresse directement à l'oreille du spectateur via ses casques et on lui conte, on lui raconte notre perception de ce quartier, parce que le quartier en question est le sujet d'écriture à chaque fois. On réécrit ce spectacle, on a des cartes à jouer. Et pourtant, c'est vraiment le quartier qui va être le cœur de Sensible Quartier. On en a des choses très concrètes de son histoire, l'histoire de son bâti, des arrivées, des départs, des humains et des groupes sociaux. On en a aussi des choses peut-être plus personnelles à raconter, de ce que ça nous fait, à nous, là maintenant, d'être ici plutôt qu'ailleurs, d'être face à cette porte ou à cette fissure ou à cette pousse qui est en train de se frayer un chemin sur ce bitume tout neuf. Donc ça navigue entre du peut-être très poétique et puis du récit très documenté. Une manière d'observer, d'écouter et de sentir ce qui fait la trame de cet endroit-là et ce qui lui donne son humeur. Ce qu'il est bon peut-être d'indiquer à ceux et celles qui écoutent cet entretien, c'est que le quartier en question, d'abord, est situé sur la ville de Jouy-le-Moutier. Tout à fait. Hein, ça sera à découvrir le samedi 28 septembre à deux occasions, à 11h et à 16h. Alors, important de préciser que votre travail, le travail de la compagnie, et pour ce spectacle tout particulièrement, se déroule en plusieurs temps. D'abord, on a parlé de danse, on a entendu le mot danse, danseur, performeur, comédien, un créateur sonore, ça c'est déjà les éléments, on va dire, physiques pour le début de cette aventure. D'abord, il y a le choix du quartier, et ensuite, au-delà de ce quartier, il y a eu des rencontres, ou il va y avoir des rencontres avec les habitants. Et ça, c'est un moment, c'est la partie cachée de Sensible Quartier. On est là très peu de temps. On a travaillé en amont. Moi, j'ai déjà fait le repérage avec les équipes qui nous accueillent. Je suis en train de travailler sur des données très objectives, le plus objectif possible sur le quartier qui va être notre sujet. Et puis, on va arriver à J-2 après-midi. On va confronter notre perception physique de ce quartier-là à toutes les données qu'on aura amassées. Et puis le soir, on se fait inviter, donc on est quatre performeurs à se faire inviter chez quatre habitants du quartier. Et on vient tous les quatre en même temps, chacun chez notre habitant, faire un solo dans leur salon. Et on a demandé à nos hôtes de bien vouloir inviter des voisins et ou amis du quartier à ce moment performer dans le salon. Le sujet de cette courte performance d'une vingtaine de minutes, c'est la situation d'être ensemble dans un salon. C'est une situation qu'on connaît tous et puis qui peut revêtre plein d'émotions différentes, sachant que certains sont plus comédiens, que d'autres sont plus danseurs et que du coup les humeurs des uns et des autres vont être différentes dans comment ça se passe. Et puis aussi c'est une rencontre avec des gens, donc il y a qu'est-ce qui va se passer chez les uns, chez les autres. Et ben le mystère restera entier jusqu'à l'heure H. Et ensuite, on aime bien nous offrir ça, ce moment-là. Il met dans une qualité de relation qui est très propice ensuite à parler de l'endroit. Qu'est-ce que c'est pour vous, pour votre voisine, d'habiter ici? Alors, ce qui me plaît moi aussi beaucoup, c'est qu'à ce moment-là, c'est complètement subjectif. Je suis plus du tout, moi, dans des attentes objectives. J'ai plus envie de savoir l'histoire de ce quartier, mais j'ai envie d'entendre ce que chacun en ressent. Qu'est-ce que c'est pour lui d'être là? Et puis on se retrouve, nous, entre nous, l'équipe, après ça, après ce moment-là. Et puis on se raconte encore plus subjectivement, parce que du coup, on transforme, et puis on a été touché par des gens. Et on se raconte tout ça, puis ça vient nourrir l'écriture du lendemain matin, où on passe toute la journée à écrire in situ, avec les données qu'on a, avec le lieu, avec la mémoire émotionnelle de ce que chacun nous a donné la veille. Et puis aussi, ce qui change considérablement grâce à ces sous-lits en appartement, c'est que ça fait une petite, toute petite géographie personnelle et intime dans le quartier. L'air de rien, tout à coup, on connaît une quarantaine de personnes, et c'est beaucoup sur un quartier. Et on les croise et on les recroise, et nous, on se sent beaucoup plus légitime à être là. Et ce qui est encore plus beau, c'est quand, dans cette quarantaine de personnes-là, on en retrouve une bonne partie dans les représentations de Sensible Quartier. Où là, du coup, bah, c'est super si c'est les abonnés du théâtre qui se sont déplacés, mais c'est vraiment super aussi si il y a de ces humains qui fabriquent le quartier, qui lui donnent son âme, son épaisseur, voilà. Oui, une suite de perceptions, un continuum de surimpression, c'est d'ailleurs un peu le sous-titre de votre spectacle, Sensible Quartier. Alors, il est précisé, on doit hélas conclure, mais l'occasion de donner rendez-vous à nos auditeurs pour le samedi 28 septembre à 11h, puis à 16h pour, j'allais dire, deux représentations. C'est d'un genre particulier, car vous précisez que ce n'est pas une déambulation ni une randonnée, mais il est question d'une marche quand même. Oui, on marche. C'est vrai que j'insiste un petit peu sur le mot. Vous avez entendu que les mots ont une importance pour moi. Absolument. Oui, la randonnée, c'est vraiment plus souvent... Enfin, le contexte est important dans la randonnée, mais c'est surtout le corps qui s'active, qu'on vient d'abord chercher. La déambulation, on a comme une petite idée comme ça de des yeux et des oreilles qui flottent et qui suivent une petite lueur, mais on s'oublie soi-même souvent. Alors que là, l'invitation, elle est vraiment de s'immerger ensemble, vous et nous, dans ce quartier-là, et de retrouver son dedans en relation au dehors. Et c'est vraiment cette relation dedans-dehors qui m'intéresse, et la relation qu'on peut avoir, vous et nous, ensemble, et vous, nous et les habitants, ensemble. D'où ce mot, la marche. Pour ceux qui s'y intéressent, vous savez que, oui, que la marche, c'est un état de perception, d'abord un état de perception à soi, un état de perception à l'extérieur, et c'est des moments précieux, je crois. On a bien compris, Laure Terrier, qu'il y a dans Sensible Quartier cette expérience effectivement sensorielle, parce qu'effectivement il y aura à voir et à écouter sur le plan sonore, comme il a été dit, mais c'est aussi et avant tout dans l'espace public, peut-être réhabiliter le sensible, c'est-à-dire la dimension humaine. Oui, tout à fait, vous l'avez bien dit. Merci, rendez-vous est donné à nos auditeurs le samedi 28 septembre à 11h, puis à 16h, ces deux représentations distinctes, dans le cadre d'Escale Danse. Le rendez-vous est fixé pour chaque spectateur et habitant aussi, par ailleurs, de Jules Moutier qui ne manqueront pas d'être présents. Rendez-vous est donné devant le Théâtre de Jouy ce jour-là, et tout cela en partenariat avec le Théâtre de Jouy à Jules Moutier. Merci, Laure Terrier. Merci beaucoup à vous.